juin 1416. Une émission de Pierre Dac. Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais vous avez l'heure. Mais certainement, monsieur, j'ai l'heure. Ah, je vous remercie longuement, monsieur. Et à votre service, monsieur. Trop aimable. Hé, hey, tout le monde est là, oui? Oui, ça va, oui? Ça va, patron. Dites-donc, qu'est-ce que c'est que ces deux types-là qui viennent de parler? Ah, ça, patron, ce sont des amis de Jean-Marie Prolier. Ah oui? C'est Jean-Marie Prolier qui nous les envoie. Alors, comme il parle après nous, on ne peut rien lui refuser, forcément. Non, d'autant plus que Jean-Marie Prolier est un charmant garçon. Ouais. Encore remarqué que... Bon, ben, et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Ouais, allez m'acheter 1 kilo d'endives en branche. Eh ben voilà, vous avez compris, allez-y. Allez. Imposé par les circonstances et à la demande de son papa, voici Pierre Doris qui vous présente sa chronique en différé avec vous. Eh ben, je passerai quand même, même si ça vous plaît pas. Alors, allez, couchez. Toujours le favoritisme. On est libre ou non? Non. Comment j'ai abandonné mes études à l'assistance publique? Jeunes gens qui m'écoutaient, ne suivez pas mon exemple. Encore aujourd'hui, une image hante douloureusement mon cœur. Et je ne peux retrouver la joie et la paix. Pardonnez-moi d'imposer ma tristesse à votre fraîcheur, de ternir un instant vos sourires sur vos visages d'adolescents, mais je veux éviter qu'un acte incontrôlé vous brise un jour contre les barrières de la société. Ne vous laissez pas errer malheureux dans le tumulte des études. Ne vous instruisez pas avec passion. Écoutez-moi. Écoutez l'histoire du pêcheur. L'instruction a toujours représenté pour moi un abîme. Les professeurs d'horribles monstres. Les mathématiques, des tourbillons mystérieux. La chimie, le désert. Les cours de français, des forêts impénétrables. Les cours d'histoire, des montagnes sauvages. J'étais le demeuré parfait. Tous les cours me rebutaient, sauf un. Et c'est là le départ de mon drame. Oh, comme mon âme se sert de tristesse à l'idée que votre destin pourrait renouveler ma tragique aventure. C'est pourquoi je vous crie, révoltez-vous, n'y allez pas, même si c'est votre programme, ne suivez pas les cours d'éducation sexuelle. C'est un homme qui était doué pour cette matière qui vous parle. Là, mes études furent brillantes. Je ne rechignais pas pour repasser mes leçons. J'étais assidu, même au cours du soir. Dans ce domaine, aucun problème que je n'eus solutionné. Et mes professeurs étaient tous très satisfaits de moi. Malheureusement, ils ne pouvais pas le dire à mes parents. On ne fait pas des études sans qu'un jour, elles portent leurs fruits, surtout dans ce domaine. Et quelques mois après, un devoir sans doute un peu trop potassé, je me suis retrouvé à l'eau, place de l'observatoire, une gypsière sous le bras, avec dedans un problème que je me trouvais une fois de plus incapable de résoudre. Et voilà pourquoi j'ai abandonné mes études à l'assistance publique. Bam, bam, bam, bam. Je vous prie à nouveau de bien vouloir m'excuser, monsieur, mais puisque vous m'avez dit avoir l'heure, seriez-vous éventuellement susceptible de me la donner? Avec plaisir, monsieur. Bah, il vaudrait peut-être mieux que ce soit avec votre montre. Mais l'un n'empêche mais le bas. Pardon? Non, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, je voulais dire. Eh bien, monsieur, permettez-moi une fois de plus de vous remercier. Mais toujours à votre service, monsieur. Allez, patron. Ne faites pas prier. Allez, c'est à vous, c'est à vous. Oh, non. Ça va. Si, c'est à lui. Oui, c'est à moi. C'est à vous, patron. Oui, mais moi, je veux qu'on m'annonce apostolique. Mais il n'y a pas apostolique, mais il y a polyvalent, patron. Eh bien, alors, je veux qu'on m'annonce polyvalent. Allez, polyvalent. Bon, je vais faire l'affaire, alors. Oui, c'est ça. Et voici l'éditorial de Pierre Dac. Ouais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, Frauen, Fräulein, Herren, messieurs les chargés de mission, messieurs les chargés de famille, mon général, ma belle-sœur. C'est en méditant cet édifiant aphorisme de Mordicus d'Athènes, l'enthousiasme est au peuple ce que le croissant de lune est au petit déjeuner des dieux, que m'est venue l'idée de soumettre au pouvoir public un projet de création d'un haut commissariat à l'enthousiasme. Pourquoi ce projet? Parce qu'il me paraît répondre à une pressante nécessité. Pour s'en convaincre, il n'est que d'observer le quotidien comportement de l'ensemble de nos concitoyens. Les formes qui dominent sont celles de l'apathie, de l'indifférence, de l'égocentrisme et du je-m'en-foutisme intégral, sans préjudice de la hargne, de la surexcitation et de l'hyper-exaspération, qui en sont paradoxalement les compléments directs. Les seules choses qui avaient encore quelque intérêt sont le week-end, la voiture et les vacances. À quoi donc attribuer ce déplorable état d'esprit sinon à une totale inhibition des facultés d'enthousiasme? C'est pourquoi j'estime qu'il est urgent de provoquer un renouveau de l'enthousiasme et de créer au sein des universités des chaires exclusivement consacrées à sa posologie et à son déchaînement. Certes, je connais l'objection. Si, par décision gouvernementale, l'enthousiasme était déclaré obligatoire et reconnu d'utilité publique, quelle serait sa destination? La réponse coule de source. L'enthousiasme, que je préconise, est un enthousiasme d'État à l'état pur, applicable aussi bien à n'importe qui qu'à n'importe quoi, disponible en permanence et mis intégralement au self-service des intérêts supérieurs de la nation. Puisse-t-on en haut lieu prendre ce projet en considération et s'inspirer de cet autre aphorisme de Mordicus d'Athènes, un pays sans enthousiasme est un pays que guette la décadence et le paludisme ésotérique. Et croyez-moi, Mordicus d'Athènes, quoiqu'un peu trop porté sur la boisson, était loin d'être un vulgaire gougnafier. Terminé. Et voici notre grand jeu des erreurs. Nous allons vous dire une phrase qui contient 124 372 erreurs. Le premier d'entre vous qui les aura trouvées gagnera 1 million de francs. Nouveau ? Oui, nouveau. Bah, dites donc, c'est beaucoup ça, si on donnait seulement 100 000 francs. Vous remarquez, de toute manière, personne ne gagnera. Alors c'est pas... D'accord, d'accord, bon, c'est pour le principe. Bon, alors quoi. Si pour le principe, 100 000 francs, c'est encore trop. On n'a qu'à faire gagner 1000 francs, puis... Oui, ou 100 francs. Oui, ou un timbre, c'est utile un timbre poste. Ah, excellente idée. Donc, amis auditeurs, cherchez les 124 372 erreurs contenues dans cette phrase. Attention, écoutez bien. Souviens-toi, Barbara, il pleuvait sur Brest ce jour-là. Ouais, il y a 124 372 erreurs là-dedans. Mais il paraît, oui. Ah bah dites donc, c'est pas commode. Ah bah si c'était commode, ce serait trop facile. Ah, attention, attention, vous avez 8 jours pour nous répondre, mais si vous répondez demain, ce sera déjà trop tard. Je vous rappelle qu'à votre réponse, vous devez joindre un mandat de 25 francs pour frais d'inscription. Vite au travail et bonne chance à tous. À tous. Oh là. À tous, oui, à tous. À tous. Et voici notre minute de la délation par Jeanne Adèle Chaldincourt, Murteau du Chasoir de la Rivolerie. Aujourd'hui, mes amis, c'est d'un drôle de personnage que je vais vous parler. Il s'agit d'un homme qui emprunte tour à tour plusieurs identités, qui se fait passer tantôt pour Allemand, tantôt pour Auvergnat, tantôt pour Bulgare, suivant que ça l'arrange. Il porte même souvent des postiches, bref... Il a un comportement pour le moins bizarre. Cet homme, c'est Francis Blanche. Bien souvent, vous l'avez vu à l'écran, mais à chaque fois, il a une tête différente, un nom différent. Pourquoi? Quel secret honteux lui interdit de se montrer à visage découvert? On ne se cache pas derrière une fausse barbe quand on n'a rien à cacher, mais il y a pire. Je l'ai vu, comme je vous vois, c'est une façon de parler, évidemment, je l'ai vu se faire abattre par un justicier dans un lieu d'espionnage. Et le soir même, je l'ai rencontré bien vivant, mangeant un steak au poivre avenue Matignon. Alors, de qui se moque-t-on? Y a-t-il plusieurs Francis Blanche? Et dans ce cas, qui se cache derrière ce nom? Eh bien, dimanche prochain, je vous le révélerai. Oui, je vous donnerai des noms. Et vous serez bien surpris. Vous qui m'écoutez, vous avez 8 jours pour réfléchir. Je vous rappelle notre compte chèque postal 3 14 116 Paris. Monsieur, je suis positivement rouge de confusion à la pensée de venir encore vous importuner. Mais pas le moins du monde, monsieur, je vous en prie. En quoi puis-je vous être utile? Eh bien voilà, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez l'heure et que vous aviez en outre la possibilité de me la donner, éventuellement. Mais en effet, monsieur, en effet. Alors, monsieur, si ce n'est pas trop abusé de votre obligeance, Quelle heure est-il? Eh bien, exactement moins 10, monsieur. Oui, moins 10 de quoi, s'il vous plaît? Ah ben, je ne sais pas, j'ai perdu la petite aiguille. Ah, c'est sans importance, parce que de toute manière, dans 10 minutes, ce sera l'heure juste. Ben, c'est fort probable, monsieur, et c'est bien là l'essentiel, n'est-il pas vrai? C'est également mon avis. Alors, monsieur, bien sincèrement, je vous remercie à métaux, comme on dit dans l'industrie lourde. Et moi, je me tiens plus que jamais à votre service à thé, comme on dit chez les mécréants. Eh bien, chers amis, maintenant, réjouissez-vous. Voici la chronique tant attendue de Frédéric Ringard. Patron, pourquoi vous acceptez ça? J'y peux rien, moi. Moi, j'aime bien, moi. J'ai honte. Mais non, mais non, mais non. Si. Pas tant que nous. J'ai honte. Qu'est-ce qu'il y a, Pépé? Je voudrais pas qu'on m'accuse de... De quoi? De traiter un sujet scabreux. Ah ouais, non, sûrement pas. Allez, allez, dans le mauvais goût. Allez, vous, ça nous étonnerait. Eh bien, une nouvelle inadmissible vient d'être annoncée. Le gouvernement veut standardiser les suppositoires. C'est pas possible. Oui. Le gouvernement trouve que les pharmaciens exagèrent. En effet, je peux pas dire ça. Allez, un peu de courage. Eh bien, un suppositoire normal est composé d'un petit peu de remède et de beaucoup de beurre de cacao. Or, les pharmaciens vendent plus cher les gros suppositoires que les petits. Et les pharmaciens... ont tendance à grossir le suppositoire, n'est-ce pas? Pour que ça leur rapporte plus. Bien sûr. Alors, si l'on n'y prend garde, le suppositoire deviendra énorme, puis colossal, puis gigantesque, puis les pharmacies se transformeront en Cap Canaveral. Comprenez-moi bien. Alors, le gouvernement prend les mesures qui s'imposent. Désormais, un arrêté réglementera la forme, le volume et les dimensions des petits cônes de santé. Mais tout cela va faire naître des problèmes plus importants encore. N'est-ce pas, le français a toujours été ennemi de la normalisation. Il en est des suppositoires comme des huîtres. Les uns les préfèrent longs et minces, les autres les souhaitent larges et ventrus. Comment l'homme de la rue réagira-t-il au suppositoire? C'est un problème. D'autre part, standardiser le suppositoire, c'est également standardiser l'endroit. Alors, si on peut diriger politiquement un pays, on ne peut en rien modifier la nature humaine. Et c'est sûr. Et on ne peut pas imposer que tout le monde... Et puis, ce n'est pas tout. La France fait partie du marché commun. Les suppositoires vont entrer dans les produits qu'elle exporte. Comment imposer le suppositoire standard à des peuples ethniquement différents? Les Belges, les Italiens, les Luxembourgeois ont des goûts différents. Les grands de l'Europe des six ne nous suivront jamais sur le chemin du suppositoire. Mais il y a pire. Les Anglais n'accepteront jamais d'entrer dans la combinaison européenne car ils ignorent le système décimal. Et pour les Anglais, il faudra transformer le suppositoire en pouce. En pouce. Alors même en pied. Quant aux Grecs, n'en parlons pas. Alors, je dirais en matière de conclusion que le suppositoire français me paraît très mal engagé. Bon, allez, c'est ça. Ben, merci. Je vais faire une piqûre du camphrée parce que c'est un peu. On va lire ces textes un peu avant, quand même. C'était 3-14-116. Une émission de Pierre Dac. Avec son équipe de demeurés, Jean-Yann, Jean Bardin, Robert Namias, René Goscinny, Roger Carrel, Claude Dasset, Pierre Doris, Laurence Riesner. Avec Elena Boussis. Et de qui est la misanthrope? Mais Pierre Arnaud de Chazipoulet, voyons.